Le rassemblement au niveau central consacré au 80e anniversaire de la victoire dans la bataille de Botsambo, commandée par le président Kim Il-sung, a eu lieu le 3 juin au théâtre d'art de la province de Liangang, en présence de Park Bong-joo, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État et premier ministre du cabinet de la République populaire démocratique de Corée, d'autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, des cadres des organismes du parti, des forces armées, des ministères, des établissements centraux, du secteur de l'enseignement, des méritants, des officiers et soldats de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, des cadres chargés de la propagande du parti en visite aux anciens théâtres de combat révolutionnaires du secteur du Mont Baektu, des cadres et membres de la troupe de choc de la division 216, ainsi que des cadres et des travailleurs de la province du Liangang. Dans son rapport, Kim Gi-nam, membre du bureau politique du comité central du Parti Travail de Corée, membre du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, a dit « La victoire dans la bataille de Botsambo, organisée selon le dessein stratégique du président Kim Il-sung pour intensifier la lutte armée contre l'impérialisme japonais à l'intérieur du pays et appeler tous les compatriotes à la résistance, a été l'événement historique de grande portée de la lutte armée anti-japonaise de notre peuple et de la lutte de libération nationale des peuples du monde. La bataille a manifesté sans réserve l'attitude d'indépendance anti-impérialiste adoptée invariablement par les révolutionnaires coréens pendant toute la période de la lutte armée anti-japonaise et confirmé l'invincibilité de l'œuvre de libération de la patrie dirigée par le président. Cet événement est enregistré remarquablement dans l'histoire de la lutte révolutionnaire anti-japonaise de notre peuple. Le flambeau de Botsambo qui a éclairé la voie de notre révolution pendant 80 ans devient le drapeau de lutte qui fait anticiper la victoire finale sous la conduite lucide des dirigeants suprêmes Kim Jong-un qui continue à parachever l'œuvre révolutionnaire du Tse inaugurée au Mont Baektu. Tous sont appelés à ne pas oublier la vérité de l'histoire que notre vie dépend du socialisme, pour défendre à tout prix et faire briller le socialisme Jutsu, le plus grand patrimoine laissé pour la patrie par le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il.